我的命，我的命，我的命。Sentimentale catastrophe nucléaire. Mon cœur est un pays ravagé par la guerre. Irradié solitaire par la femelle cohorte. Cadavre gisant parmi l'ermite de mes amours mortes. Des yeux radioactifs balancés des lasers. J'ai perdu une bataille et j'ai perdu la guerre. Vase noyée dans la boue, le sang et les larmes. Mon cœur rafale a dépouffé les armes. Braquage de ton silence, explosion nucléaire. Ma vie sentimentale, désastre militaire. War is over. Célibataire je le suis, célibataire je le reste. War is over. War is over. Catastrophe nucléaire. Tes yeux radioactifs balancent des éclairs. Ma vie sentimentale. Catastrophe nucléaire. War is over. War is over.